إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Continue inshallah ar-risala, le huitième chapitre qu'écrit l'auteur, Ba'dul Qawa'id fil manhaj salafi, quelques règles dans le manhaj salafi. قال أولا قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Première chose, une règle dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. المراد بالمعروف جميع الطاعات وأعظم ذلك عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له وترك الشرك والمنكر هو كل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجميع المعاصي والبدع منكر وأعظم المنكر الشرك بالله جل وعلا. Qu'est-ce qui est voulu par ordonner le bien, interdire le mal? C'est quoi le bien? Le bien, c'est toutes les obéissances que l'on doit envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et la plus grande obéissance, c'est l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et la sincérité dans l'adoration, et le fait d'abandonner toute adoration tournée vers un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant au mal, il est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est donc tous les péchés, tout péché, donc tout péché et toute innovation est un munkar, est un mal. Et le plus grand des munkar, c'est-à-dire le plus grand mal, c'est l'association vers Allah tabaraka wa ta'ala. والأمر من المعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة فرض كفاية ولا فرض عين. Et donc le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est obligatoire à cette communauté, notre communauté, mais c'est une obligation kifaya, fardu kifaya, c'est-à-dire si un groupe de musulmans le fait, les autres n'ont pas besoin de le faire. Mais il est obligatoire qu'il y ait un groupe de musulmans qui interdisent le blâmable. Et si un groupe le fait ou certains le font, l'obligation n'est plus sur les autres. Mais il est obligatoire d'interdire ce blâmable. Si personne ne l'interdit, cela n'est pas correct. Il est obligatoire d'interdire le blâmable. Wa qala Allahu jalla wa ala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون في سورة آل عمران. Et qu'il y ait parmi vous une communauté qui ordonne le bien, qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdise le blâmable. Et ceux-là sont ceux, al-muflihoun, sont ceux qui réussissent. والسباب الفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقول الله تبارك وتعالى وأولئك هم المفلحون. Donc parmi les causes de la réussite, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, puisqu'après avoir nommé cela, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné, les voilà ceux qui réussissent. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimallah ta'ala a mentionné Man amara bil ma'ruf wa naha anil munkar fayanbaghi an yakuna aliman bima amara bih. Celui qui ordonne au bien et qui interdit le blâmable, il faut qu'il soit savant sur ce qu'il ordonne et savant ce sur quoi il va interdire la chose. Comment veux-tu ordonner le bien ou interdire le blâmable si toi tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est blâmable? Or, seul Allah tabaraka wa ta'ala, fil kitab wa sunnah, dans le Coran et la Sunna, a mentionné ce qui est bien et nous a interdit ce qui est blâmable. Et il n'y a pas une chose qu'Allah a ordonnée sans qu'il y ait un bien derrière. Il n'y a pas une chose qu'Allah il a interdit sans qu'il y ait un mal derrière. Si c'est un mal, s'il l'a interdit, c'est qu'il y a un mal derrière. Et qu'on doit, on doit se priver de cette chose-là et avertir contre cela. Ensuite, il a continué en disant « Rafiqan fima ya'muru bih » et qu'il soit doux dans ce qu'il ordonne et qu'il soit doux dans ce qu'il interdit. « Thumma qal rahimallahu ta'ala fal'ilm qabla l'amr wal-rifq ma'a l'amr » La science avant le fait d'ordonner et la douceur avec le fait d'ordonner. La base dans les choses, c'est la douceur. La base dans la da'wa, c'est d'être doux. Et cela n'empêche pas à certains, comme As-Salaf al-Salih, qui parfois ont fait preuve de dureté. Pourquoi ? Parce que ils ont affaire à une personne en face d'eux qui n'accepte pas avec la douceur. C'est-à-dire, c'est le genre de personne pour qui il faut une bonne leçon pour qu'ils comprennent. Mais cela n'est donné qu'à ceux qui détiennent un commandement. Ceux qui ont une place et qui détiennent un commandement. Comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a eu affaire à quelqu'un qui s'amusait à aller fil majalis, dans les assises de sciences religieuses, et dès qu'il entendait Ar-Rahman istawa al-Arsh, le fait qu'Allah s'est levé au-dessus de son trône, lui, toujours, il disait « Kaifa » à voix haute, exprès pour que les gens entendent. Et ce n'était pas pour apprendre qu'il disait ça. Il disait ça pour ramener la fitna et « Shubaha » fi qulub al-muslimin, dans le cœur des musulmans. Et c'est arrivé jusqu'à son oreille. Omar al-Khattab, il l'a fait convoquer. Il a dit « Attrapez-le et ramenez-le-moi ». Donc il l'a ramené, il lui a dit « C'est toi qui t'amuses là, allez, fil majalis. Et à chaque fois qu'il y a l'ayah sur l'istiwa, tu t'amuses à dire Kaifa, comment Allah il s'est levé au-dessus de son trône ? Il a dit non, moi c'est juste pour apprendre. Il a dit ah, c'est juste pour apprendre. Alors ils l'ont attaché, ils lui ont rasé la tête, et Omar ibn Khattab l'a flagellé avec des feuilles de palmier, jusqu'à ce que sa tête soit remplie de sang. Il avait la tête en sang. Ensuite il est venu vers lui et lui a dit rappelle-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure, pourquoi tu vas dans les assises ? Et Ani lui a fait comprendre c'est bon, j'ai compris. Et il l'a exilé. Après cela, il l'a exilé, en dehors de la ville. Puis ils sont passés à Al-Khawarij. Al-Khawarij sont passés par là et ils lui ont dit, t'as vu qu'est-ce qui t'a fait l'émir? Puisqu'ils font le khuruj al-hakim. Alors ils sont venus pour essayer de le récupérer. Pourquoi? Parce que Al-Khawarij wa jama'at al-takfir, ils jouent avec l'atifa, avec les sentiments, toujours. C'est toujours avec les sentiments qu'ils essayent d'attirer les gens. Ils prennent les gens qui sont désespérés, qui ont des méchakils, qui ne savent pas s'en sortir, qui ont des problèmes. Ils prennent ces gens-là. Pourquoi? Ils sont en situation de faiblesse. Et c'est là qu'ils mettent leur poison dans le cœur des gens, des musulmans. Et cet homme-là, il a dit, c'est bon. Moi, je reste où je suis, laissez-moi tranquille. Et Ani, il a compris. Il a compris ce que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lui a fait. Kadhalik Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il a tapé quelqu'un, وكذلك علي بن أبي طالب mais ils détenaient un commandement. Et c'était des gens qui ramenaient des choses graves dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il a continué en disant, rahimallah, celui qui est savant, وَإِنْ كَانَ عَالِمًا وَلَمْ يَكُنْ رَفِيقًا, celui qui est savant, mais qui n'est pas doux, il est savant sur la chose qu'il va interdire ou qu'il va ordonner, mais il n'est pas doux dans ce qu'il fait, il est comme un docteur qui voudrait brusquer un malade. Est-ce que le malade, il va accepter cette chose-là, de se faire guérir de cette manière-là? Il ne va pas l'accepter. Est-ce que quelqu'un, il accepte quand on lui crie dessus? Personne n'accepte quand on lui crie dessus. Voilà pourquoi il doit faire preuve de douceur en plus de la science. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون فقولا له, يعني له لفرعون, et dites lui, tous les deux, dites lui à Pharaon, قولا لينا, dites lui une parole douce, dites lui une parole douce. Allah تبارك وتعالى, il savait très bien que Pharaon, il allait mourir kafir et qu'il ne reviendrait jamais à la vérité. Alors comment cela se fait-il qu'Allah Azza wa Jalla ordonne à Moussa et Pharaon de lui parler avec douceur, à Moussa et Harun de parler avec douceur avec Pharaon, alors qu'Allah Azza wa Jalla, il savait très bien qu'il ne reviendrait jamais à la vérité? Ça, c'est pour montrer que si avec Pharaon il fallait parler avec douceur, qu'est-ce qu'il en est ma'al muslim? Pharaon achad min al-kuffar. Pharaon, avec l'orgueil qu'il a eu, Allah Azza wa Jalla, il savait qu'il ne reviendrait jamais, et pourtant Allah tabaraka wa ta'ala, il a donc ordonné à Moussa wa Haroun de lui parler avec douceur. Pourquoi? Pour nous montrer, si avec lui il fallait parler avec douceur, alors qu'est-ce qu'il en est avec un musulman? Tayyib. Wa ma'a al-hakim muslim. Alors que lui, il était un gouverneur kafir, il fallait lui parler avec douceur. Allah Azza wa Jalla ordonna Moussa wa Haroun. Moussa, Rasulullah, un messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, de parler avec douceur avec un gouverneur qui était kafir. Kayfa ma'a al-hakim muslim? Ou ma'a al-muslim fi al-nasiha, fi al-amri bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar? Alors qu'est-ce qu'il en est dans le fait de conseiller un musulman, de lui parler avec douceur et gentillesse, et surtout avec science. Et celui qui ordonne le bien et qui interdit le blâmable, il faut qu'il se dote d'une chose qui est une tradition depuis des temps et des temps. As-sabr. Wa tawasaw bil-haq, wa tawasaw bil-sabr. Ils s'enjoignent mutuellement la vérité. يعني الدعوة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالحق. Ils s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est quoi ça? Ils conseillent, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. وتواصوا بالصبر. ثم الصبر. Et ils patientent. Ils patientent sur quoi? Sur les conséquences de la دعوة. Comme ont patienté les prophètes et les messagers. ولهذا قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. Ordonne le bien. Il parle à son fils, ordonne le bien, interdit le mal, et patiente sur ce qui va arriver après cela. Le but recherché par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est le but, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et de revenir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et que les gens reviennent à Allah Azza wa Jal, qu'ils reviennent au Coran et à la Sunna. Comme il a dit Cheikh Mughbil, rahimallahu ta'ala, nahnu ahl sunnah, les gens de la Sunna, nous ne demandons rien aux gens, rien, ni leur argent, ni leur statut. Leur statut, yani leur rang, ni leur place, ni leur famille, ni leur maison, rien. La seule chose que l'on demande aux gens, الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. C'est de revenir au Coran, à la Sunna, à la bonne compréhension des pieux prédécesseurs. C'est tout. Donc le but de faire da'wah, ou le but d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, ce n'est pas d'appeler les gens à soi-même, ni à être adoré, ni à être suivi. Or, on trouve des gens qui appellent à être suivis plutôt que de suivre l'ulama. Il enseigne aux gens qui sont autour de lui à le suivre lui, et non plus à suivre Ahlul Ilm. Et si on écoute son discours, on ne trouve pas Ihtiram al-ulama, le fait de rendre sacrés ces savants, de leur donner le rang qu'ils ont. Il n'appelle pas à soi-même, il ne doit pas appeler à soi-même. Quelqu'un qui appelle à soi-même, c'est qu'il a un problème. Quelqu'un qui, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahmallahu ta'ala, tu vas trouver des gens, si tu l'écoutes, t'entends da'wa salafiyya. Wa yad'u ila salafiyya. Wa yad'u ila tawhid. Wa rujou ila sunna. Wa salaf al-umma radiyallahu ta'ala anhum. Quand tu l'écoutes parler, mais il y a des choses qui montrent qu'en vérité, il appelle à lui-même et non pas à la bonne voie, au retour à Allah subhanahu wa ta'ala, ou à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au retour aux ulama, aux savants. L'une des choses qui fait que l'on reconnaît cela, comme il a dit à rahimallahu ta'ala, c'est que pour les choses importantes, comme le shirk, ou le kufr, ou le bid'ah, s'il voit les gens faire cela, il va se fâcher, mais sans plus. Mais dans une chose que lui, il a ordonné aux gens, et là, il ne l'écoute pas, il s'énervera encore plus. هذا الرجل يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل ولا إلى الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى منهج السلف الصالح. Donc, الداعي, celui qui appelle à la bonne voie, il se doit non pas d'appeler pour être au-dessus des gens ou pour appeler à son groupe ou appeler à son rang ou autre, mais il n'appelle que pour que les gens reviennent à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils reviennent au Coran et à la Sunna afin qu'ils aient la satisfaction d'Allah jalla wa ala. Celui aussi qui ordonne le bien et qui interdit le blâmable, il se doit d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et de faire l'alliance pour Allah tabaraka wa ta'ala. Cela signifie qu'il n'a pas le droit de s'allier à Ahlul Bidah. Comment un homme, un da'i, ou yad'u ila salafiyya, yad'u ila rujou ila al-kitab wa sunna bifahmi salaf al-umma, wa yamshi ma'a al-mubtadi'a, wa yajlis ma'a al-mubtadi'a. بدون النهي عن المنكر وبدون النصيحة منهجه ليس بالصحيح أو عنده النقص في منهجه. Celui qui appelle à la da'wa salafia, comment cela se fait-il qu'il appelle à cela et qu'il marche avec l'innovateur et il le défend, et lorsqu'il marche avec lui ou il s'assoit avec lui, ce n'est pas pour le conseiller ou pour lui interdire le blâmable. Il marche avec lui parce qu'il y a des choses qu'il aime de lui. Et lorsque l'innovateur est critiqué, lui, il le défend. Et lorsque les gens de la sunna sont critiqués, il ne les défend pas. Ça, c'est le genre de personne qui cache son manhaj derrière le voile de la salafia. Il s'habille, il libère sa salafia, mais en vérité, il est très loin du manhaj salafi. Il cache. Mais pour appâter les gens et attirer les gens, il mentionne As-Salaf. Et si les gens lui demandent comment est-ce qu'on doit comprendre cette religion, il dira Al-Kitab wa Sunna bifam As-Salaf. Comme on entend aujourd'hui, Hada al-Rajul, hum yaquluna, Hada al-Rajul, aqidatuhu salafiyya, wa manhajuhu ikhwani. Hada laysa bis-sahih, khata. Comme a dit le Cheikh Al-Albani, rahimallah. Comment quelqu'un peut avoir une aqida salafia, mais son manhaj, c'est l'ikhwan. Allah est ajib. C'est comme si tu disais, hada rajul salafi mubtadi'. Subhanallah. Qui fait salafi mubtadi'? Ou salafi ikhwani. Ou salafi tablighi. Ou kada, ou kada, ou kada, ou kada. Là. Manhaj ou salaf, manhaj ou wahid. Faut pas tout mélanger. Ce qui fait partie de la sunna, il en fait partie. Ce qui fait partie de l'bid'a, c'est l'bid'a. Mais la bid'a, elle marche pas avec la sunna comme le shirk, il marche pas avec le tawhid. Le tawhid, shirk. La sunna, l'bid'a. Qa'idatun fil ibadat. Deuxième point qu'il a ramené parmi les bases de ce manhaj, c'est que c'est là une règle sur les adorations. Or, les adorations, elles doivent être basées sur le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فالله جل وعلا أمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Les adorations, elles doivent être basées sur le livre d'Allah et sur le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. Comme Allah عز وجل l'a ordonné. Dites, يا رسول الله, يا محمد, dit, إن كنتم تحبون الله, si vous aimez Allah, فاتبعوني, suivez-moi, yuhbibukum Allah. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Celui qui se dit être à la manhaj sunna, manhaj ahli sunna, nas'aluhu al-ittiba'. Aïn al-ittiba'. Si tu dis être parmi les gens de la sunna, alors on te pose une question. Le suivi, il est où dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais? La sunna pour toi, c'est juste manger, comment manger, comment dormir, manger de la main droite, dormir sur le côté droit, faire comme ça, comme ça. Hadi sunna, c'est tout. Là. Aïn al-aqida. Ta aqida, elle doit être la même que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La même que le sahaba, radallahu anhum. La même que le salaf al-umma. C'est la même, elle doit être la même si tu dis être parmi les gens de la sunna. Mais que tu dises la sunna, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Regarde, dans sunna, nous, on a fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Khlas, taïm, mais dans ce beb-là, pourquoi vous ne suivez pas la sunna dans cette chose-là? Mathalan, takfir. Limada takhrujuna ala al-hakim. Hadi sunna, hadi. Laysa min sunna. In bida' al-khawarij. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yuti' Allah wa rasulah. Celui qui obéit à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha l'anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il sera rentré dans les jardins, yani le paradis, sous lequel coulent les ruisseaux, il y restera éternellement. Et c'est là la grande récompense. Donc, ici, Allah Azza wa Jalla a mentionné que l'entrée au paradis et dans ce paradis, elle ne se fait que par l'obéissance à Allah et à son prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa fi sahihain, dans le sahih al-Bukhari wa muslim, selon Omar ibn Khattab, lorsqu'il est venu pour embrasser la pierre noire, il a bien mentionné, je sais que tu n'es qu'une pierre et tu ne fais ni le bien ni le mal. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc on voit que Omar ibn Khattab, il avait bien le souci que sa ibada, elle soit pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le maqsoud, ce qu'il a voulu dire par ça. Tu n'es qu'une pierre, ni tu fais le bien ni tu fais le mal. Yani, tu n'es qu'une créature d'Allah. Et celui qui fait le bien et le mal, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Si un mal doit me toucher, il n'y a qu'Allah azawajal qui peut me laisser être touché par ce mal. Et si un bien, Allah veut me toucher d'un bien, si un bien me touche, ce n'est que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, je ne l'aurais pas fait. Wa yattabi'u rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Si lui n'aurait pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam embrasser la pierre, il ne l'aurait pas fait. Mais comme il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faire, wa yattabi'uhu, alors il le suit. Alors il le suit. Parce qu'il sait que la réussite ne passe que par bil-ittiba', ittiba' Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وقول بعض السلف كعبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Suivez et n'innovez pas, et certes, ils vous suffisent, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Donc, il n'y a pas de doute que dans l'adoration, il faut qu'il y ait ce suivi de la Sunna, le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit cette adoration. Chaque chose que tu veux faire, même da'wah, tu veux faire da'wah, il faut qu'elle soit conforme au Coran et à la Sunna. Tu fais da'wah comme le prophète l'a fait. La plus grande chose que tu ordonnes, c'est tawhid. La plus grande chose que tu interdis, c'est shirk. Après, c'est sunna. Et que tu interdis le bid'a. Tu ordonnes aux gens ce qui est bon. L'ibadat, wa ta'at, les adorations, les obéissances. Et que tu interdises la perversité et les péchés. Parmi les règles de ce manhaj, troisièmement, c'est que cette religion est composée de la science, l'ilm nafi' wal amal salih. Cette science, c'est quoi? C'est de la science. Cette religion, c'est quoi? C'est la science profitable, l'ilm nafi'. Comme قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زني علما نافعا. ما قال زني علما فقط. قال زني علما نافعا. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نحن؟ Prophète lui-même il demande pour cette religion qui est basée sur, qui est constituée de la science profitable et des bonnes actions, il demandait lui-même la science profitable. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ودين الحق. La science profitable et la bonne action, certes Allah عز وجل a envoyé son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم avec ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire al-huda wa din al-haq, la guidée et la religion de vérité. Wal-huda al-ilm al-nafi' wa din al-haq al-amal al-salih. Et puis il a dit, la guidée, c'est la science profitable. Et cette religion de vérité, c'est les bonnes actions. Et il a rajouté aussi, fa'ahl sunnati wal-jama'a al-mutabi'in lis-salaf al-ummah lis-salaf al-salih. Les gens de la sunna wal jama'a qui suivent as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, ne parlent pas dans une chose de cette religion que en suivant ce qui est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ittiba'an al-kitab lil-kitab wa sunna, en suivant le Coran et la sunna. ثم قال puis il a continué en disant واما اهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنه واثار السلف الصالح وانما يعتمدون على العقل واللغه والفلسفه. Quant aux gens de l'innovation, ils ne s'accrochent pas au Coran et à la sunna et à la trace des pieux prédécesseurs. Mais certes, ils s'accrochent à la raison, à la langue, al-kalam, wal-lugha, ils veulent tout prouver quelquefois avec l'oral arabiya, sans même avoir expliqué, par exemple, certains versets du Coran avec athar ou salaf al-umma, ainsi que la philosophie. Donc, ahl-sunnah, eux, ils s'accrochent au Coran al-sunnah dans tout. Salafi, il n'y a pas une chose qu'il dit sans qu'il ait un dalil qui va avec. Il y a un imam en Jordanie, ismou Abu Islam, et Cheikh Al-Albani, à l'époque, s'asseyait, rahimallah, il s'asseyait dans sa khutbah de Jumu'ah. Il avait l'habitude d'assister au Jumu'ah de chez lui. en Jordanie. Et il ramène cette anecdote, ce cheikh-là, cet imam qui était à la mosquée, il dit un jour pendant la khutba, j'ai ramené une faïda comme ça, sur un sujet, sur le sujet dont il était question durant la khutba. Et on avait l'habitude, après la khutba, que Cheikh Al-Albani vienne chez moi derrière et on prend un thé et on discute. Et ce jour-là, Cheikh Al-Albani lui a dit, t'as donné une belle faïda tout à l'heure et j'aimerais savoir c'est quoi le dalil de ça. Et là, il a souri, il a regardé Cheikh et lui a dit, « Wallah, Cheikh, ma indi de dalil. J'ai pas de dalil, c'est sorti comme ça. » Donc, là, après, Cheikh Nasser, rahimallah, il lui a dit, « Il faut toujours de dalil, il faut un dalil pour chaque chose que tu dis. Parce qu'il n'y a rien qui te dit que ce que tu as ramené de nouveau, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Il faut que tu sois devancé par quelqu'un qui a de la science, par un savant, dans ce que tu dis. Nous, on n'est pas apte à ramener les choses comme ça. » Prendre un texte, un verset du Coran, ou un hadith comme ça, ou un athar, et ramener le fawaïd, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte-là? Il n'y a que Ahlul Ilm qui peuvent faire ça. Eux, ils sont aptes. Ils ont l'usul, ils ont l'ilm, ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Mais un d'entre nous, il va faire ça, il va prendre un verset, deux versets, alors je pense qu'on peut retirer ça, ça, ça. Là, c'est interdit, ça. Pour chaque musulman, c'est interdit. Là, Ahlul Ilm. L'ilm, ils peuvent. Parce qu'ils ont le bagage, l'ilm, pour pouvoir ramener al-fawa'id. Parmi les règles de ce manhaj, il y a le fait que lorsque quelqu'un il est à la manhaj sahih et il a affaire à un mal devant lui, il faut qu'il fasse preuve de clairvoyance. Est-ce qu'en interdisant ce mal, il ne va pas y avoir un mal plus grand, une mafsada plus grande que ça? Il y a un mal qui est présent. Est-ce qu'il doit le laisser comme ça? Ou bien il doit éliminer ce mal, quoi qu'il arrive? Ou bien il faut qu'il voie la différence qu'il y a entre al-mafsada ou al-maslaha? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de bien à laisser ce mal, ce moindre mal, et comme ça, il n'y aura pas un mal plus grand? Ou bien qu'est-ce qu'il fait? L'auteur, il a ramené ayah min al-Qur'an, قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله عز وجل dit, selon le sens des versets, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, sinon eux ils vont insulter Allah. N'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, sinon eux vont se mettre à insulter Allah Jalla wa Ala. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a interdit d'insulter les fausses divinités des mushrikines et a rabaissé les fausses divinités des mushrikines. Pourquoi? Afin d'éviter que eux se mettent à insulter Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc là, il y a quoi? Une maslaha. Il y a un bien. Afin d'éviter un mal plus grand. Il y a un mal, c'est qu'ils adorent autre qu'Allah. Or ici, Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, n'insulte pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Yani pour l'instant, il reste comme ça. Parce que si on se met à insulter ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, eux vont insulter Allah. Donc il faut rester avec toujours le moindre mal. Et le musulman, il fait preuve de clairvoyance. Celui qui est sur al-manhaj sahih, il faut qu'il fasse preuve de clairvoyance. Faut qu'il voie loin, pas qu'il voie juste devant lui comme ça. En interdisant ce blâmable, est-ce que je ne vais pas faire un mal plus grand? L'imam Malik ou l'imam Shafi'i, il avait l'habitude de prier le witr avec un certain nombre de rak'at. Or, un jour, il s'est retrouvé dans un endroit, dans une mosquée, où les gens avaient l'habitude de prier tel nombre de rak'at, chose que lui, il ne faisait pas d'habitude. Mais ce jour-là, il a prié le même nombre que eux. Pourquoi? Ijtinab al-fitna. pour pas faire la fitna, pour pas qu'il voie, qu'est-ce qu'il fait celui-là, c'est quoi ça encore? ولهذا قال أهل العلم من السنة ترك السنة. Fait partie de la sunna de délaisser la sunna. Attention, c'est pas général, c'est pas في كل مكان و زمان. Là, bien au contraire. Mais quelquefois il y a des circonstances qui vont t'amener à cette sunna, il vaut mieux ne pas la faire. On parle des choses qui sont comme par exemple quelque chose qui est mustahab. Si tu es dans un lieu où tu veux faire une sunna, mais les gens ne connaissent pas cette sunna, et il va y avoir une grande fitna après ça, alors abstiens-toi de faire cette sunna. Parce que sinon, il va y avoir un mal plus grand. Les gens ne sont pas savants sur ça. Et surtout. Donc dans ce cas-là, tu fais rien. Mais une sunna tarka sunna. Quelquefois, selon les circonstances, fait partie de la sunna de délaisser la sunna. Pour ne pas tomber dans un mal plus grand. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Aïcha radiallahu anha, il aurait voulu remettre la Kaaba dans ses dimensions réelles. Mais il ne voulait pas que les gens disent, regarde, il détruit la Kaaba. Regardez, c'est ça votre prophète, il détruit la Kaaba. Là, il y aurait eu une mafsada, il y aurait eu un mal. Il y aurait eu un mal plus grand. Et pourtant, il aurait voulu la remettre comme elle était avant. Comme elle était avant à l'époque d'Ibrahim alayhi salat wa salam. Mais il ne l'a pas touché à cause de ça. Afin d'éviter al-mafsada, un mal plus grand. Il vaut mieux rester avec le moindre mal que d'amplifier ce mal. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué les hypocrites? Il montrait l'islam alors qu'il cachait dans leur cœur le kufr. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas que les gens qui sont en dehors et qui ne connaissent pas le contexte disent « Regardez, Mohammed, il tue ses compagnons. S'il tue ses compagnons, qui va y aller ?» On va avoir peur. On va dire « Mais on ne va pas avec lui. Il tue ses sahaba. Ashabuhu, il les tue. » Donc il a vu quoi ?« Al-mafsada wa al-maslaha. » Donc, ça fait partie de ce manhaj que de bien juger par rapport à cela. كذلك في السنة le fait d'interdire الخروج على الحاكم وهذا فتنة الخروج على الحاكم ليس من السنة ومن عادات الخوارج أهل البدع والهوى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتنتان فتنة الخروج عليه على الحاكم وفتنة الحاكم على قومه على الشعب. Sinon, on va se retrouver avec deux fitnas. Il y a la fitna du gouverneur qui est injuste déjà avec son peuple. Mais on va se retrouver avec une deuxième fitna qui est que on va sortir contre le gouverneur et là, le sang des musulmans va couler. C'est pour ça que le fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il n'a gardé le khalifa que 6 mois. Et il l'a laissé à Muawiyah. De peur que le sang des musulmans ne coule. Alors il a laissé son khalifa à Muawiyah. Radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Parmi les règles de ce manhaj, il y a que les règles, qu'elles soient des règles de base ou dans les branches de la religion, elles ne deviennent complètes que par deux choses. Ou bien l'existence des conditions, c'est-à-dire il y a les conditions, et le fait que d'être dénué de tout empêchement. Mathalan, pour donner un exemple et pour bien comprendre, Inch'Allah. La prière. Pour que ta prière soit bonne, il faut qu'il y ait quoi? Les conditions de la prière. Que le temps soit rentré, que tu sois en état de pureté, etc., etc. Donc pour que une chose ait lieu, qu'elle soit une règle de base ou une chose des branches de la religion, il faut premièrement que ces conditions soient présentes. Que ces conditions soient présentes. et qu'elle soit dénuée de tout empêchement. مثلا ومن هذا الأصل التكفير والتبديع والتفسيق. Parmi les bases, le fait de rendre kafir quelqu'un, ou de le rendre mubtadi', innovateur, ou de le rendre fasiq. Le fasiq, c'est celui qui fait des grands péchés, qui ne se repent pas. Il y a des règles à avoir dans ce sujet. Et comme il l'a mentionné ici l'auteur, le comportement des gens de la sunna, d'Ahl sunnati wal jama'a, qui sont à la manhaji salaf al salih, dans le fait de rendre min takfir ahl al bid'ah wal aqa'id al fasida, huwa al tafsil. Dans le fait de rendre mécréants les gens de l'innovation ou les gens qui ont une aqida fasida, c'est-à-dire l'aqida n'est pas bonne. Il y a des explications et des règles. On ne rend pas kafir n'importe qui comme ça. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا نكفر أحدا من أهل القبلة. On ne rend pas mécréants les gens de l'Qibla, c'est-à-dire les gens qui prient vers la Mecque, c'est-à-dire les musulmans. وهذا خاصة لأهل العلم. العلماء. Et ça, c'est seulement pour les gens de science, pour les savants. Dans une question qu'un jeune pose à l'IFTA, le comité des savants, il pose une question sur Tekfir. Le fait de rendre kafir un tel ou un tel. La première chose qu'on lui répond dans la réponse, c'est de lui dire « Il ne vous appartient pas à vous de rendre mécréant qui que ce soit. Donnez-nous les circonstances de la personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle pense de telle chose ou telle chose ou telle chose, et on donnera le jugement après. » Yani ahlul ilm, l'ulama. C'est ni toi, ni moi, ni Foulain, ni moi Foulain qui va s'amuser à kaffar quelqu'un. Il y a des dawabit, des qawa'id, il y a des règles. Donc, quelquefois, quelqu'un, on ne peut pas le rendre kafir. Les ulama ne peuvent pas le rendre kafir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas quoi ? Shurut al-takfir. Il y a l'absence des conditions du fait de le rendre. Il manque les conditions pour le rendre kafir. ثم إن القول في التكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين. Puis la parole sur le fait de rendre kafir les gens de l'innovation والتكفير عموما, c'est basé sur deux bases. Il y a deux bases à ça. La première, دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل من المحكوم عليه للتكفير. Il faut que la parole qui a été dite, il faut une preuve que la parole qui a été dite, ou bien l'action qui a été faite, elle soit un kufr. Pour dire que telle parole, c'est une mécréance, il faut un texte, il faut un dalil. Tu ne peux pas ramener de toi-même comme ça, ça fait sortir de l'islam. Taïm, ma huwa dalil ? Ma huwa dalil ? Comment tu sais que ça fait sortir de l'islam ? Ramène le dalil que ça fait sortir de l'islam. Et là-bas, c'est que les choses ne font pas sortir de l'islam, sauf s'il y a un dalil. Sauf s'il y a une preuve. Fil Qur'an ou fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre, Cheikh Mohamed Abdel Wahab, rahimallah, Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam. Et à chaque fois, il ramène quoi ? Al-Dalil. Premièrement, il dit Al-Shirk, il ramène Dalil. À chaque fois. Sihr, la sorcellerie, il ramène Dalil. La moquerie envers la sunna, il ramène Dalil. Le fait de détester la sunna, il ramène Dalil. Bien sûr, dans son livre, il écrit les 10 plus grands. Mais les ulama, ils disent, il y en a plus de 400. Il y en a plus de 400. Plus de 400 annulations de l'islam. Mais dans son livre, Rahimallah, on trouve les 10 plus grandes annulations de l'islam. Et il ramène Dalil à chaque fois. Donc les gens de Ahl Sunna, lorsqu'ils disent que ça fait sortir d'islam, c'est qu'ils ont un Dalil avec. Et non pas comme Jama'at al-Takfir qui dit ça fait sortir de din. Jib Dalil, premièrement. Alors, premièrement, ramène Dalil. Deuxièmement, la règle générale, elle ne s'applique pas toujours sur Al-Mu'ayyin. Al-Hukm Am, par exemple, Al-Hukm Bi-Ghayri Ma Anzal Allah. Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé. Fawa kafir. هذا الحكم عام يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لكن هو كافر بالاستحلال il est كافر celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé s'il rend la chose halal ou tafdil ou bien il dit que c'est meilleur que le Coran et la Sunna. Mais s'il est convaincu que le Coran et la Sunna, c'est ce qu'il y a de mieux. Et lui, il sait qu'il est injuste en faisant ça, de juger avec autre ce qu'Allah a révélé. Il sait qu'il est dharim. Il sait que le Qalal al-Rasul, c'est mieux. Mais parce qu'il a reçu le rachwa, ou bien da'if, ou bien il est faible, ou bien il a suivi sa passion comme ça, mais il ne rend pas la chose halal. Et il ne dit pas que c'est mieux que Hukmullah. Hada laysa bi kafir. Hada kufr duna kufr. Walihada qala Ibn Abbas radiallahu anhu fi tafsir hadhihi al-aya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Hada kufr duna kufr. Aw laysa al-kufr billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. Il a dit c'est un kufr duna kufr. C'est-à-dire un kufr, un petit kufr qui ne fait pas sortir d'islam. C'est grave, mais ça ne fait pas sortir d'islam. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'istihlal. Il n'a pas rendu la chose halal. Maintenant, s'il considère que c'est halal et c'est permis de juger avec autre ce qu'Allah a révélé, ou bien qu'il dit « Hukmu bi ghayri ma anzalallah afdalu bima anzalallah » c'est mieux de juger avec ce qu'Allah n'a pas révélé, avec autre que ce qu'Allah a révélé, qu'avec ce qu'Allah a révélé. Il dit ça, c'est mieux. « At-tafdil »« Hada huwa kafir » Ça, c'est le hukm am, ça, c'est la règle générale. Mais est-ce que tu peux l'appliquer comme ça sur le hakim, comme ça sur le mu'ayyin, sur quelqu'un de précis? La illa bi shurut. Il faut qu'il y ait les conditions et qu'il soit dénué de tout empêchement. Premièrement, est-ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, c'est un kufr? Est-ce que c'est un kufr? Est-ce que c'est un kufr qui fait sortir d'islam? Il faut de dalil. Tayyib, c'est un kufr qui fait sortir d'islam. Deuxièmement, comment lui, il interprète la chose? Est-ce qu'il considère que c'est halal de faire ça? Est-ce qu'il y a tafdil? Il pense que c'est mieux? Est-ce qu'il remplace? Il a khirihi. Il faut regarder le contexte de chacun. Al-Mu'ayyin. C'est pour ça que l'auteur il a bien mentionné que les gens les plus éloignés dans le fait de rendre fit takfir, ou tabdi', ou tafsiq, hum ahl sunnati wa jama'a, wa hum salafiyyun. Les gens les plus éloignés dans le fait de rendre kafir quelqu'un ou de le rendre fasiq, un grand pécheur ou un pervers, ou de le rendre innovateur, c'est les gens de la sunna. C'est les gens de la sunna. Pourquoi ? Parce qu'il faut, il y a des règles. Et il faut de dalil. Wa li hadha yaquluna laysa man ashraka fa huwa mushrik wa laysa man kafara fa huwa kafir wa laysa man ahdatha fa huwa mubtadi'. Ce n'est pas toute personne qui fait shirk qui est mushrik. Ce n'est pas toute personne qui fait du kufr que c'est un kafir. Et ce n'est pas toute personne qui fait une bid'a que c'est un muftadih. C'est ça la règle chez les gens de la sunna. Alors lorsque le muftadih, ils disent, vous êtes toujours en train de dire foulain muftadih, foulain muftadih, foulain muftadih, foulain... Hada laysa bi sahih. Ça, c'est pas vrai. Et si on dit Fulan Mubtadi', c'est que il y a les grands savants avant nous qui ont dit Fulan Mubtadi'. Et en expliquant pourquoi et le comment. Quelquefois, il est bien de citer le nom, quelquefois, on ne cite pas le nom, mais on cite les mauvaises idées qu'il a ramenées. Afin de que ces idées-là n'aillent pas dans le cœur des gens. Il y a combien de personnes, quand on cite le nom, il ne va pas accepter. Si tu ne cites pas le nom et tu dis, qu'est-ce que tu dis d'un tel qui a dit ça, ça, ça? Il va dire, A'udhu Billah, c'est quoi ces paroles-là? Pour toi, c'est des bonnes paroles? Il va dire, non, ce n'est pas des bonnes paroles. C'est pas, ça ne fait pas partie des paroles des gens de la sunna, ça. Taïb, et bien celui qui a dit ça, c'est Foulen. Tiens, le livre. Alors que si tu cites son nom dès le début, peut-être il ne va pas accepter le kalim. Ou l'axe ou bil'axe. Quelquefois, il y a des ulama de Al-Sunna, lorsque tu cites son nom, tu dis Qala Sheikh, Mathalan, Sheikh Rabi' ou Sheikh Mugbil, l'insan la yakbal. Avant même que tu aies fini de donner la phrase, il dit non, non, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est pas la peine de continuer. Subhanallah. Ajib. Alors quelquefois tu es obligé de dire qala ahad min ahli al-ilm, un des gens de science, il a dit telle chose. Sans dire Sheikh Rabi'. Il va yaqbal al-haq, il accepte la vérité, subhanallah. Jusqu'à même que hadi al-fayda mufida jiddan. Jayyid, mashallah. Et après quand tu dis hadi kalima Sheikh Rabi' al-Madkhali. Lakin akhi, ça y est. Subhanallah al-azim. N'importe qui veut connaître chez qui Sheikh Rabi' al-Madkhali, qu'il aille voir, il trouve ça tout sur Internet. Aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Qu'il aille voir ce qu'il dit Sheikh Abd al-Aziz Ben Baz sur lui, Sheikh al-Albani sur lui, Sheikh al-Uthaymin sur lui. Sheikh al-Uthaymin, quand ils sont venus le voir, ils ont dit, qu'est-ce que vous dites de Sheikh Rabi'? Il a dit, allez voir, qu'est-ce que vous pensez de Sheikh Rabi'? Il a dit, je vais vous répondre. Comme a répondu l'imam Ahmed au sujet de Ishaq. Ces deux savants, ils vivaient à l'époque, à la même époque. Et l'imam Ahmed, il considérait beaucoup Ishaq. Rahimahumallah. Il a dit, je vais vous répondre comme il a répondu l'imam Ahmed quand on lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Ishaq? Il a dit, allez voir Ishaq, qu'est-ce qu'il pense de moi? Donc allez voir Sheikh Rabi', qu'est-ce qu'il pense lui de moi? Et non, ne m'interrogez pas moi, qu'est-ce que je pense sur lui? Subhanallah. كذلك شيخ الألباني والشيخ مقبيل والشيخ صالح الفوزان كلهم كبار العلماء من أهل السنة. maintenant que أهل البدع l'insulte ou il le déteste, الحمد لله رب العالمين. si quelqu'un, les gens de la bid'a ne t'aiment pas, c'est bon signe, parce que s'il t'aime, c'est qu'il y a un problème. une fois, il y en avait un, il était imam dans son pays, je ne sais plus c'était quoi ce pays-là. Il est venu à l'Al-Jalsa avec Sheikh Rabi'. Sheikh Rabi' lui faisait une nasihat. Comment il fallait faire le da'wa? T'adou ila tawhid, t'adou ila sunna, manhaj al-salaf salih. Kada ou kada ou kada. Walhamdulillah, hada rajoul yaqbalu al-haq. Il a accepté la vérité, il était content, miskin. Il découvrait le manhaj. C'est comme s'il découvrait une lumière devant lui. Il était content. Il a dit barakallahu fik ya cheikh et tout. Wallahi, dès que je rentre dans ma mosquée chez moi, je commence une da'wa salafiyya ala tawhid wa sunnah. Le temps est passé, le temps est passé. Cheikh raconte qu'il l'a appelé. Il a dit, Cheikh, il a dit na'am et tout. Il fait halou, kada ou kada kada. Il lui a dit, j'ai un souci là. Depuis que j'ai commencé cette da'wa là, j'ai que des problèmes. Il lui a dit, hadi da'wa tul anbiya wa rusul. Il a dit, c'est ça la da'wa des prophètes et des messagers. Quand tu vas appeler au tawhid et tu vas appeler à la sunnah, c'est là que les gens vont être mécontents. Mais alhamdoulilah, Ahl Sunnah ne regarde pas le nombre. Le nombre, il ne vaut rien. Ahl al-Bidah, il court après le nombre. Quand ils disent, venez nombreux, kada ou kada, regardez combien on est. Vous dites qu'on n'est pas le haq, mais tu te rends compte là? Va dire toi, tous les gens là qui sont devant nous, qu'on n'est pas dans le haq. Et alors? C'est pas le nombre qui fait la vérité, subhanallah. On l'a déjà démontré dans le livre, avec les exemples que l'auteur avait ramené. طيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم. Et le prochain chapitre c'est le comportement des pieux prédécesseurs avec les gens de l'innovation.